franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1942, l'opération Frankton. S'il vous est arrivé de vous promener sur les plages du sud-ouest de la France, ces grandes belles plages des Charentes ou du Médoc, battues par les rouleaux, peut-être une fois votre regard s'est-il posé sur un monument discret, dressé devant la mer. Peut-être avez-vous pris le temps de lire ces mots d'hommage, opération Frankton. Derrière ces mots gravés dans la pierre, il y a une histoire un peu oubliée, une histoire pourtant incroyable d'audace et de courage. Ils s'appelaient Hassler, Sparks, Wallace, Moffat, Ewart, Sheard, MacKinnon, Conway, Laver et Mills. Anglais, écossais ou irlandais, ils étaient dans le civil, ouvriers, livreurs de lait, chauffeurs de bus, vendeurs de glace, employés de bureau. 10 soldats britanniques qui, en 1942, participèrent à l'opération commando la plus spectaculaire de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif ? Détruire un maximum de navires allemands dans le port occupé de Bordeaux. Les 10 hommes, largués par un sous-marin dans le golfe de Gascogne, doivent, à bord de simples kayaks, atteindre la pointe de Grave et remonter la Garonne en échappant à la vigilance allemande. Une opération à haut risque qui avait vraiment peu de chances de réussir. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Sébastien Albertelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, auteur notamment d'une histoire du sabotage l'année dernière chez Perrin. Alors quand on parle de guerre, généralement on pense armée, artillerie, champ de bataille, blindés. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le sabotage, les commandos ont joué un rôle très important, je crois. Oui, alors en fait cette idée date de la Première Guerre mondiale, on a essayé de le faire pendant la Première, on n'a pas beaucoup réussi, mais effectivement c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les différents états-majors, disons, ont commencé à penser qu'effectivement le sabotage allait leur permettre d'avoir un avantage sur un ennemi plus puissant qu'eux, en particulier quand ils sont en position de faiblesse. Cette idée d'utiliser de petites unités pour affaiblir l'ennemi en tapant exactement à l'endroit précis où il serait le plus faible, c'est une idée qui se développe à peu près dans toutes les armées pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout particulièrement chez les Britanniques. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? Initialement, précisément en raison de la faiblesse des Britanniques. C'est-à-dire que c'est une idée qui se développe vraiment en juillet-août 1940, au moment où les Britanniques restent seuls en guerre. La France, dont personne ne pouvait envisager qu'elle allait être battue aussi rapidement, est à terre. Et donc les Britanniques n'ont pas d'armée à la hauteur du tout de l'armée allemande. Et ils savent bien qu'ils n'ont aucune chance en l'état de reconquérir l'Europe. Et par conséquent, leur seule possibilité pour rester actif, ce sont de petites unités qui vont harceler l'ennemi indirectement sans accepter un combat frontal pour lequel ils ne sont pas armés en réalité. En 1940, Winston Churchill crée les opérations combinées dont il confie la direction en 1941 à Lord Mountbatten. Et il attend beaucoup de ces opérations combinées. Exactement. Alors, le changement pour Lord Mountbatten en 1941, en plus un changement de génération, ça montre vraiment qu'il attend beaucoup et qu'il attend un dynamisme tout particulier. Il confie cette nouvelle structure à un officier qui est jeune à l'époque. Qui n'est pas n'importe qui, il est de la famille royale. Qui est de la famille royale, qui va vite monter en grade puisqu'il devient vite vice-amiral et auquel il demande des résultats plus probants que ce qui a été obtenu en 1941. L'histoire que je vais raconter dans un instant, Sébastien Albertelli, commence en juin 1942. Quel est le contexte à ce moment-là? Où en est la guerre, notamment pour les Britanniques? Alors, en juin 1942, d'un côté, un certain nombre de choses positives se sont passées, puisque du point de vue britannique, l'entrée en guerre des États-Unis, évidemment, quelques mois plus tôt, en décembre 1941, est un point positif, puisque alors qu'ils étaient extrêmement faibles, ils se retrouvent avec la première puissance économique mondiale avec eux, et par conséquent, ça ouvre évidemment des perspectives tout à fait encourageantes pour eux. Dans l'immédiat, par contre, évidemment, les Américains ne sont pas capables de peser sur le conflit. En Asie, les Japonais conquièrent pratiquement tout le Pacifique, y compris les bases britanniques de Singapour, etc. Donc les Britanniques, en même temps que les Américains, reculent partout dans le Pacifique. Ils reculent en Afrique du Nord, ils reculent un petit peu partout. Les Soviétiques reculent aussi. Donc le contexte militaire est extrêmement négatif pour les Britanniques. Ils ont un besoin impératif de succès. Et les Soviétiques aussi sont rentrés dans la guerre. Alors les Soviétiques sont rentrés dans la guerre avant, contraints et forcés, puisque les Allemands les ont attaqués en rompant le pacte germano-soviétique en juin 1941. Mais eux aussi, ils sont plutôt encore sur la défensive. Il faudra attendre la fin de 1942, début 1943, avec la grande bataille de Stalingrad, pour que les Soviétiques réellement parviennent à inverser la tendance face aux Allemands. Et par conséquent, 1942 reste, au moment où l'opération Frankton est conçue, le contexte militaire semble très défavorable aux Britanniques. Au moment où l'opération aura lieu, le contexte aura évolué, puisque les Britanniques et les Américains auront débarqué en Algérie et au Maroc le 8 novembre 1942. Évidemment, là, ça donne une configuration un peu différente. Il n'empêche que les Britanniques, évidemment, ont besoin de succès à la fois pour des raisons militaires et pour des raisons politiques. Auprès de leur opinion, il faut qu'ils puissent montrer qu'ils sont actifs, qu'ils ne subissent pas simplement les assauts, par exemple, aériens des Allemands, mais qu'ils sont en mesure de porter des coups eux-mêmes contre le Reich. Pour prendre la mesure aussi de la difficulté de cette opération Frankton, il faut rappeler que les côtes françaises sont fortifiées par l'armée allemande. Alors évidemment, les Allemands savent très bien qu'à un moment ou un autre, les Britanniques chercheront à reprendre pied sur le continent européen, et en particulier en France. Alors l'ensemble de la côte européenne contrôlée par les Allemands, et tout particulièrement évidemment la côte française, celle qui est la plus proche des côtes anglaises, est fortifiée de façon extraordinaire, avec à la fois des bunkers, de l'artillerie, un ensemble de dispositifs, de tranchées, etc., qui rendent cette zone difficilement franchissable. Du point de vue terrestre, c'est aussi une zone interdite dans laquelle on ne peut circuler qu'avec des laissez-passer extrêmement particuliers, dont la population est évacuée. Enfin voilà, la côte est un endroit qui est vital pour les Allemands et qu'ils protègent avec toute la force dont ils sont capables. Sébastien Albertelli, je propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, l'opération Frankton, Mission Impossible, un texte original de Manuel Calma, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Sophie Haute-Picon. Ça y est, ça commence à se stabiliser. Oh, ça flotte. J'y suis presque. 2 ans que je suis sur ce prototype. Avec ce petit bijou nautique, nous allons percer les lignes ennemies sans nous faire voir et couler un maximum de navires. Il n'y a plus que... Un paquet d'heures encore à travailler sur cet engin de malheur. Bon sang de gros. Qu'est-ce qu'il a à s'agiter celui-là? C'est Edwards. Hé, hey, bon sang, j'arrive. C'est urgent. J'arrive. C'est urgent. Rien n'est plus urgent que ce que je suis en train de faire. J'espère que vous avez une bonne raison de me déranger en pleine séance de test, sergent-chef Edwards. C'est que Lord Mountbatten effectue une visite éclair sur notre base. Il a demandé à vous voir. Ça a l'air de bouger du côté de l'état-major. Enfin, pas trop tôt. C'est le moment de sortir le grand jeu. Juin 1942. 3 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni perd bataille sur bataille, sur terre, dans les airs et en mer, que ce soit en Europe ou en Afrique du Nord. L'objectif du Premier ministre, Winston Churchill, est de relever la barre au plus vite. Il est urgent notamment d'enrayer le trafic maritime entre la France occupée et le Japon, qui, depuis l'attaque de Pearl Harbor, est entré en guerre aux côtés d'Hitler. Malgré le blocus maritime imposé par les Anglais, des cargos, forceurs de blocus, réussissent à atteindre les côtes françaises, apportant d'Extrême-Orient des matières premières indispensables à l'effort de guerre nazi, et repartant, chargés de pièces d'artillerie destinées à la puissance de feu japonaise dans le Pacifique. En mars 1942, l'opération Chariot, menée par les Royal Marines sur Saint-Nazaire, a permis de mettre hors service une partie des installations portuaires, mais les pertes militaires ont été sévères. Churchill exige désormais des attaques plus ciblées pour détruire la flotte allemande. Il charge son chef des opérations combinées, Lord Mountbatten, de mettre sur pied de nouvelles formes de sabotage. Parmi les nombreuses options proposées, celle d'un certain Herbert George Hassler, spécialiste des attaques amphibies, attire l'attention de Mountbatten. L'officier de 28 ans, basé à Southsea, au sud de l'Angleterre, travaille depuis plusieurs mois sur des kayaks capables d'intervenir en toute discrétion. Ah, commandant Hassler. Je me suis plongé dans votre rapport. Intéressant, votre kayak. Et assez surprenant. Merci, amiral. J'ajouterai discret et efficace. C'est très exactement ce que nous recherchons. Pour une opération clandestine, légère, qui surprenne l'ennemi et cause des dégâts importants. Un changement de stratégie. Tout juste. Le raid sur Saint-Nazaire en mars a privé l'ennemi d'un outil précieux. Mais d'autres zones sur le littoral atlantique sont de vrais passoires. Le port de Bordeaux, principalement. Si loin de nos côtes. Précisément. Savez-vous combien de tonnes de matériel et de matières premières ont transité par ce port durant l'année dernière ? D'après notre ministre de l'économie de guerre, Lord Selborne, 25 000 tonnes de caoutchouc, tungstène, étain, carburant arrivent à Bordeaux. Et des tonnes de pièces d'armement en partent pour le Japon. Il est urgent de stopper cette voie d'acheminement si nous ne voulons pas définitivement perdre la guerre. Le port de Bordeaux est donc votre priorité. Tout juste. Et vous êtes peut-être l'homme de la situation. Je me suis laissé dire que vos petites coquilles de noix font l'objet de sarcasmes, mais aussi de beaucoup de curiosité. Coquilles de noix. Je vais vous prouver que ceux qui parlent ainsi peuvent retourner en école d'application. Les avantages de mes kayaks sont incalculables. Des secondes peaux totalement adaptées aux opérations ciblées et amphibies que vous envisagez aujourd'hui. Les Allemands jugent Bordeaux imprenable. Et sur le papier, ils n'ont pas tort. Il est facile à garder et idéalement protégé par l'estuaire de la Gironde. Celui qui s'y aventure est tout de suite repéré. Entre l'estuaire et Bordeaux, il y a bien 80 kilomètres. Nous devrons progresser de nuit. Nous cacher le jour. Repérer les zones vertes. Ah. Il y a des dizaines d'îles plus ou moins désertes. Ici, pas mal de bancs de sable, des marais pour se cacher. L'avantage du kayak, c'est qu'on peut se faufiler partout dans les marécages, sans bruit. L'opération vous semble faisable ? Mes kayaks nous garantissent une autonomie de plusieurs jours et nous assurent une technique d'approche des cargos optimale. Je travaille actuellement à un système de mines qui se fixe à la coque des bateaux avec précision. Accrochées à une perche, elles viennent s'aimanter à une dizaine de mètres en dessous de la ligne de flottaison. Bien, faites-moi connaître votre plan au plus vite. Ah, au fait, le nom de code de votre mission est Frankton. Cette information, comme toutes celles que nous échangeons, doit rester secret défense. Officiellement, vous formez des gardes-côtes. Bien reçu. Affirmatif, amiral. Hassler, peu m'importe vos méthodes, pourvu que l'objectif soit atteint. Nous sommes vraiment de la même trempe, Hassler. Ce Mountbatten me plaît. Reste à savoir où tout cela va nous mener. Encore beaucoup de zones d'ombre. Quand lancer l'opération ? Sans doute faudrait-il profiter des nuits bien sombres de l'hiver. Décembre serait idéal. Le froid aura vite fait de nous tétaniser, mais les coefficients de marée sont plus faibles. Et en même temps, les risques de chavirage sont grands. À peine rentré à Southsea, Hassler reprend l'architecture de son plan d'attaque. 6 kayaks capables de percer en toute discrétion les lignes ennemies, de frapper et désorganiser leur arsenal naval. Dans le même temps, ils se mettent en quête d'une poignée de combattants prêts à mourir dans une opération à haut risque. Ils ont pour la plupart une vingtaine d'années et se sont engagés dans les Royal Marines le temps d'une guerre qui dure et s'étend mondialement. Le 6 juillet 1942, les candidats se pressent dans le petit local du centre, au milieu de prototypes d'engins flottants, de matériel de plongée et de pagaies de toutes formes. Cherche volontaire pour un service hasardeux, homme ardemment désireux de combattre l'ennemi, indifférent à une sécurité personnelle et libre de liens familiaux forts. C'est tout moi, ça ! Pardon, je suis le marine Mills. Enchanté, Mills. Je suis le caporal Leiva. Caporal ? Moi, c'est Sparks. Marine Sparks. Prêt à en découdre, les gars ? Va falloir montrer les crocs, hein ? C'est quoi tout ce matos ? C'est l'œuvre du commandant Hassler. Celui qu'on surnomme Blondie ? Il paraît que c'est un fou d'aéronautique. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de jamais prononcer surnom devant lui. T'inquiète, à 12 ans, le major Hassler s'était déjà construit son premier bateau. Il paraît qu'en aérodynamique, c'est une tronche. Il est capable de démonter le moindre moteur et de te penser un engin à voile sur un coin de table. Waouh ! T'as vu celui-là, on dirait une coque de noix. Ça flotte, ce machin-là ? C'est pas banal d'inventer des trucs pareils, non ? C'est un kayak de mer un peu spécial. Il paraît qu'il y travaille jour et nuit. Et si on sait pas nager comme un poisson, on fait comment ? On ne te demande pas de battre le nouveau record du 100 mètres. Hein. Attends voir, à mon avis, on va pas barboter. Barbotage et barbotage. C'est quoi ça, ce chef aussi ? Silence ! C'est comme ça que vous comptez vous présenter au major Hassler ? Garde à vous ! Rompez. Dis donc, les gars, on n'est pas à la fête foraine ! C'est pas des lapins de 6 semaines qui savent plus où donner de la tête, ni une bande de pirates décérébrés qu'on va former ici. On va vite faire le ménage dans la basse-cour. Écoutez-moi bien. À chaque question qu'on va vous poser, vous avancez ou vous reculez. Ouais, c'est bien la seule fois que je vous autorise à reculer. À l'affirmative, un pas en avant. À la négative, un pas en arrière. C'est pas trop compliqué, ça, hein ? C'est pas trop compliqué ? Non, mon commandant ! Célibataire ? Ok. Silence. Intelligent ? Pas de modestie, les gars. Ou bien, vous pensez qu'un Royal Marine est avant tout un abruti ? Bien. Le match est assez serré, je dois dire. N'est-ce pas, sergent chef Edwards ? Oui, mon commandant. Tous ceux qui ont répondu par l'affirmative sont convoqués au petit matin sur la plage. Yes. Et pas pour une partie de volée. En tricot de corps et pieds nus. Histoire que les galets vous caressent les plantes des pieds. Gardez-vous ! Rompez. Et si j'ai un conseil à vous donner, les gars, allez vite vous coucher. Ça va tirer sur la couenne. Vous avez remarqué, Edwards ? Certains binômes se sont tout naturellement formés. L'instinct fusilier marin coule déjà dans quelques veines. Je parie sur une bonne moisson. L'opération Frankton occupe désormais l'esprit du commandant Blondie Hassler 24 heures sur 24. Il ne laisse aucun détail au hasard. Le Cockle 2, nom du kayak destiné au raid sur Bordeaux, n'est pas encore au point, mais l'engin s'affine. Tout l'été, le major s'enferme dans le petit atelier du Royal Marine Boom Patrol afin de perfectionner sa structure. Jour après jour, il trouve de nouveaux matériaux plus résistants, plus étanches, plus légers. Il vit, mange, rêve au rythme de Frankton, sort la nuit, entraîne ses hommes le jour et trouve encore le temps d'apprendre tout ce qui touche, de près ou de loin, à la Gironde et à ses environs. Ce qui nous attend là-bas est inimaginable. Une poignée de minutes pour s'extraire du sous-marin, ensuite combattre la houle et les déferlantes. Le froid va nous tétaniser avant même d'atteindre la côte. Mes hommes ignorent tout de ce qui les attend. Comment vont-ils réagir lorsqu'ils découvriront le plan d'action ? Qui va craquer ? Combien reviendront vivants ? 21 septembre 1942. Plus de 10 semaines après le début des entraînements, les efforts commencent à payer. Les citadins débarqués au centre des opérations combinées de South Sea sont devenus de vrais guerriers. Eux qui étaient arrivés là sans savoir naviguer sont désormais capables de piloter un kayak dans le noir absolu, de pagayer comme des damnés, de naviguer à vue et de marcher sur des centaines de kilomètres. Edwards, voici la liste des hommes que j'ai retenus pour une mission imminente. Votre avis compte. Caporal Laver. Excellent sportif, intelligent et posé. Mills. Fédérateur et vaillant. Moffat. Vigoureux. Sparks ? Une locomotive. Bien, bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde, chef Edwards. Wallace, McKinnon, Conway et Ewart sont retenus eux aussi. On peut dire que la phase de formation est terminée. Nos hommes sont désormais opérationnels à tout moment. Ce soir, ils ont quartier libre. Qu'ils en profitent. C'est sans doute leur dernière soirée avant bien longtemps. Laver, Mills, Sparks, Moffat, Wallace, McKinnon, Conway, Ewart. Yeah! Allez les gars! Mais mêle-toi, Sparks, on a soif! Et le dernier arrivé, il paiera la tournée! Ouais! Hassler! Au commandant! À la santé du commandant Hassler! À la santé! Le meilleur des meilleurs! Le 27 octobre, Blondie débarque à Londres au quartier général des opérations combinées dans le bureau de Lord Mountbatten. Il vient d'apprendre que le vice-amiral s'oppose à ce qu'il participe au raid sur Bordeaux, dont la date est désormais fixée aux alentours du 7 décembre. Le commandant n'envisage pas une seconde d'abandonner ses hommes. Évidemment, commandant Hassler, je vous considère comme un élément indispensable de notre organisation secrète. Je vous remercie, amiral. Votre connaissance de la navigation, votre imagination sans limite en matière de conception de nouvelles armes et votre sens du commandement font de vous un officier très précieux. Très précieux. Merci, amiral. Mes hommes ne sont pas encore prêts, vous savez. Je relève encore beaucoup d'erreurs durant les exercices. Le dernier en date sur la Tamise a été un fiasco. Je me suis laissé dire qu'au contraire, vos hommes apprenaient très vite. Votre perfectionnisme vous honore. Et puis, les entraînements sont faits pour corriger les erreurs avant le jour J, n'est-ce pas ? C'est vrai. Mes hommes comptent sur moi pour en faire de vrais combattants. C'est le rôle d'un chef. Former, mais également rendre autonome. Et surtout les conduire à la victoire. Certes. Mais Frankton doit être la première mission d'une longue série. Le raid sur Dieppe au mois d'août a été un véritable désastre, tant sur le plan militaire qu'humain. Nous devons harceler l'ennemi à petit feu. Votre expérience est cruciale, Hassler. Vous comprenez ? Je comprends tout à fait, amiral. À combien estimez-vous vos chances de survie sur cette opération ? Je ne parle pas du pourcentage de réussite. J'entends. Disons que nos chances de succès sont deux fois plus importantes que nos chances de survie. Alors on peut résumer les choses ainsi. Ma place est parmi mon équipage. Toutes les théories du monde ne valent rien tant qu'elles ne sont pas mises en pratique. La meilleure vérité est celle qui est éprouvée. Le reste n'est que littérature. Soit. Je vous laisse partir. Mais à contre-cœur. Aux alentours du 30 novembre, notre sous-marin, le Tuna, va patrouiller du côté de l'estuaire de la Gironde et pourra bien y lâcher quelques kayaks. Comme vous l'avez anticipé, le repli se fera par la terre, sans aucune assistance de nos services, bien entendu. Personne n'est au courant de votre raid sur Bordeaux. Seul un contact avec la résistance locale de Ruffec, là, un peu au nord de Cognac, vous permettra de rejoindre Gibraltar. Bien, une fois en France, il vous faudra trouver des vêtements civils. Tenez, voilà une enveloppe avec de l'argent à distribuer à chacun des membres du groupe. Vous ne devez croiser personne, ne prendre contact avec personne. Évitez le train, privilégiez la marche, à la rigueur le vélo. Vous disposez chacun d'une carte, aucun papier sur vous, évidemment. Fondez-vous dans la foule, je ne vous apprends rien. Au risque de me répéter, Hassler, vos chances de survie sont minces, voire quasi nulles. Néanmoins, bonne chance, commandant. Je compte avant tout sur notre préparation, mais vous avez raison, amiral. Pourvu que la chance soit de notre côté. De retour à Southsea, Hassler annonce un exercice de grande envergure. Pour une fois, il demande à ses hommes de prévenir leur famille et leur petite amie qu'ils partent pour une mission longue. Officiellement, il s'agit d'un exercice de perfectionnement. Blondie convoque 11 de ses hommes. Il sera le 12e. Le 30 novembre, au petit matin, à la base sous-marine située dans l'estuaire de la Clyde, en Écosse, le commando embarque dans le sous-marin Tuna. 6 kayaks sont descendus dans la salle des machines. Comme le veut la tradition, les hommes se tiennent au garde-à-vous avant d'embarquer pour 10 jours de traversée pour une destination qu'ils ignorent encore. À peine les écoutilles fermées, la parole d'Asler se libère enfin. Bon, vous vous en doutez, les gars, nous ne partons pas pour une promenade de santé. Nous ne sommes plus en exercice. La mission vient de commencer. Nom de code, Frankton. Direction la France. La cible est Bordeaux, précisément son port. La mission, poser nos mines Limpets sur les bateaux à quai. Tout doit y passer. Cargo, pétroliers, forceurs de blocus. L'objectif, couler la flotte des Boches et leur couper les vivres. Mais... les questions viendront après. On prend les choses dans l'ordre. Regardez. On nous largue en pleine mer et on enquille sur 15 km au sud. Direction, la pointe de Grave, ici. Un gros phare balaye toute la zone. Vous avez des patrouilles ennemies à terre, dans les airs et en mer. Pas de répit. Entrée dans l'estuaire. Flux et reflux au max. Ça va tirer sur les bras. Pagayez sec tout de suite. On remonte, on s'arrête. On repagaye, on s'arrête. Et ainsi de suite, sur toute la remontée de la Garonne. Méfiance. Il y a des tronçons plus ou moins faciles. Servez-vous des courants. Le fond des kayaks est plat, ça facilite la stabilité. On longe. On n'hésite pas à rentrer dans les roseaux. L'idée, c'est qu'on atteigne le port de Bordeaux sans avoir croisé un seul regard de Boche. On élimine en dernier recours. Mais surtout, on évite de se faire repérer. On pose un maximum de mines, les gars, et on décampe. Et le repli, commandant ? Pas de repli. On s'exfiltre par les terres. Le Tuna ne nous attend pas ? Impossible. Une fois les mines posées, on redescend l'estuaire. On s'aborde nos kayaks en eau profonde, en prenant soin de ne laisser aucune trace. On débarque sur la berge orientale. De là, direction Ruffec, au-dessus de Cognac, à une distance de 160 km plein nord. Le réseau français Marie-Claire nous attend là-bas. Que savent-ils de notre mission ? Je l'ignore moi-même. Sans doute pas grand-chose. Tout est cloisonné de A à Z. Ils ont l'ordre de nous conduire à la frontière espagnole, puis Gibraltar et back to London. À terre, on ne parle pas. Vous aurez une carte et un peu d'argent. Avant de poursuivre, sachez qu'il est encore temps de quitter l'opération. Alors, qui reste avec moi ? Aucune obligation, sachez-le. Tout le monde veut en être ? Oui, mon commandant. Reprenons. Notre force sera organisée en deux divisions. Dans l'ordre de mise à l'eau. Catfish, avec Sparks et moi-même. Cuttlefish, avec McKinnon et Conway. Greyfish, avec Laver et Mills. À 15 jours près, j'aurai fêté ma majorité. Une semaine passe à bord du Tuna. Aucun homme du commando n'a renoncé à participer à l'opération. Ils ont pourtant conscience qu'il s'agit quasiment d'une mission suicide dont ils ont peu de chances de revenir vivants. Les jours, les heures qui s'écoulent dans le confinement du sous-marin sont passés à réfléchir, à écrire les dernières lettres aux familles et aux fiancés qui, bien sûr, ne savent rien de cette opération. Enfin, le 7 décembre 1942... Les gars, ce soir, on a une fenêtre de tir. La nuit est salement claire, mais la mer est calme. On ne peut pas tout avoir. Chaque homme vérifie son paquetage, ses armes, son cran d'arrêt et son sifflet qui reproduit le cri de la mouette en cas de danger. Une poignée de minutes sépare désormais le commando du grand saut. Il est 21h ce 7 décembre 1942 lorsque le sous-marin Tuna s'apprête à rejeter ses hommes dans le golfe de Gascogne à 45 22 nord et 1 14 ouest au large de la plage du Pin Sec, non loin de Naujac-sur-Mer. Les gars, n'oubliez pas. Nous n'avons que quelques minutes pour nous extraire du sous-marin et pagayer de toutes nos forces. Le Tuna va replonger illico. Un patrouilleur ennemi a été repéré, et pour peu que les gardes-côtes soient alertés, on va se prendre une rafale en rien de temps. Plus un mot. Vous savez précisément ce que vous avez à faire. Les sifflets sont là pour communiquer en cas d'urgence. Ça bastonne sec en surface. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Que Dieu vous protège. À vos ordres, mon commandant. La toile s'est déchirée. Henry. Oui. Fisher. Oui. Désolé, les gars. Pour vous, la mission s'arrête là. On n'assiste pas. Vous repartez en Angleterre avec le Tuna. Allez, Sparks, on y va. Adieu, les gars. Enfin, on y est. Pas de bol, le ciel est rempli d'étoiles, on y voit comme en plein jour. Ça va être corsé. Van Batten disait 20% de chance de s'en sortir. Ça fait 2 survivants. Si ça foire, on m'accusera d'avoir envoyé mes gars à la mort. Si ça marche, je serai élevé au rang de héros. Mais qu'est-ce qu'un héros? Mes hommes en ont tous l'étoffe. Je vais tout faire pour qu'ils rentrent à la maison. Je sens Sparks qui pagaille derrière moi. Il est au taquet. Ils sont bien préparés. Laver et Mills ne font plus qu'un. Quant à Ewart, une lame de fond. Elle va nous emporter. Tenez bon, Sparks. J'ai plus que le fiche dans le viseur. Ils ont disparu. Plus de traces du kayak non plus. Ils auraient dû être à bâbord. Rien ne flotte. Vite, on trace. On ne peut pas perdre une minute de plus. On les reverra plus. Plus que 8. Y a plus qu'à espérer qu'ils regagnent la côte à la nage. Oh! Tiens-toi prêt, ça va secouer. Commandant, le Congre a chaviré. Sherd, Moffat, par ici. Cramponnez-vous, les gars. Tenez bon. On va vous tracter. On fait du surplace. Sherd et Moffat sont dans l'eau glacée depuis au moins une heure. Ils sont en hypothermie. Ils ne tiendront plus longtemps. On va finir par se faire repérer. Leur gilet de sauvetage fonctionne. La côte n'est pas si loin. La marée devrait les aider. J'ai pas le choix. Rapprochez-vous, les gars. On va devoir vous laisser. Vous allez nager jusqu'au rivage. On l'a fait des dizaines de fois en exercice. On n'est pas encore repéré, sinon on aurait pris une rafale. Ok, commandant. On va vous ralentir. Bonne chance, les gars. Que Dieu vous protège, mes amis. Le jour va pas tarder à se lever. Il faut absolument dépasser le port du Verdon. Position basse, les gars. Chaguez simple et un à un. Dans l'ordre, catfish, crayfish, cuttlefish ferme le bal. Cela fait 2 heures que le commando a quitté le sous-marin et pagaille en plein océan Atlantique en direction de la pointe de Grave. À 4 heures du matin, Laver et Mills se retrouvent sur le rivage, non loin de la pointe aux oiseaux. Mais la série noire continue. Le cuttlefish a disparu. Ils ne sont plus que 4. Impossible d'attendre McKinnon et Conway. Hassler prie pour qu'ils aient les bons réflexes. Se mettre à l'abri, attendre 2 jours, faire les morts et s'enfoncer dans les terres pour regagner l'Espagne. Ils reprendront le flambeau, se dit-il en boucle, pour tenter de donner un sens à tout ça. Hassler, Sparks, Laver et Mills sont trempés, glacés, exténués. Hassler donne l'ordre de s'arrêter. Le jour va se lever d'une minute à l'autre, ils doivent reprendre des forces avant de parcourir les 100 km qui les séparent du port de Bordeaux. Camouflés dans les roseaux à bord de leur kayak, les hommes goûtent quelques heures de repos à l'affût du moindre bruit et de la moindre présence humaine. Psst. Commandant, vous entendez? Un groupe en approche. Ils nous ont repérés. Ils ont peur. Laissez-moi faire. Pas le choix, faut leur parler. C'est qui tout double, hein, commandant? Si on leur dit pas qu'on est anglais, ils vont se précipiter au premier village pour signaler notre présence. Ok, commandant. Nous, on ne bouge pas. On vous attend. Ne vous bilez pas, les gars. Blondy est habile, il va les rassurer. Avec sa moustache bien british, il a l'air de tout sauf d'un Allemand. Que Dieu t'entende, Lever. Regardez, il revient. Il revient? La chance serait-elle en train de tourner? Tout va bien. Respect, mon commandant. Votre accent de vérité aura eu raison de votre accent tout court. Qui sait? En attendant, ces pêcheurs vont nous laisser tranquilles. Mes bras me lancent. Pas le droit de flancher. Le froid est vif. La nuit prochaine va être rude. Les tendinites, les ampoules vont gonfler et les engelures vont attaquer nos chairs. On a dépassé la pointe aux oiseaux. Prochaine étape, Saint-Estèphe. Puis, ce sera l'île de Cazaux et enfin Bassins, où nos chemins devront se séparer. Et si tout se passe bien, dans 72 heures, le ciel dansera de mille feux. Et nous, nous serons loin. Très loin. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Pour cela, nos mains ne doivent pas trembler. Si je dois y rester, je rejoindrai mon père, tombé en 17. Le destin des Hassler est-il lié aux mêmes forces ennemies? Mais non. Je ne crois ni au hasard, ni à la fatalité. Enfin, le 11 décembre, à 2h du matin, les quatre hommes atteignent Bassin Sud, zone rattachée au port de Bordeaux. Les deux kayaks se séparent. Ces frêles embarcations semblent bien minuscules et fragiles à côté des pétroliers et des cargos allemands. Lever, Nils, vous restez sur la rive droite. Avec Sparks, on remonte au sud. On mine un maximum de bâtiments. Vous en avez 8. On règle les explosions sur H plus 7 heures. Ça nous laisse assez de temps pour regagner la rive et nous enfoncer en terre inconnue. Surveillez l'heure, le ciel, les sentinelles. Noircissez-vous le visage comme jamais. Soyez invisible. Sans se détacher sur la lune. Bien dit, caporal Lever. Bonne chance, les amis. Nous sommes si près du but. Adieu, commandant. Adieu, Marine Sparks. Je ne vous oublierai jamais. On se retrouve à Gibraltar. Il est temps maintenant. La nuit est parfaitement noire, pas de vent. Enclenchez vos mines et filez. Dans le froid de décembre et le calme plat des eaux de la Garonne, le crayfish s'éloigne et disparaît dans la brume. En approche, le catfish passe l'écluse. Le port est dangereusement éclairé. Des faisceaux dansent dans la nuit. Il y a des gardes-côtes partout. En un coup d'œil, Hassler repère les bâtiments à quai. Pétrolier, cargo, cargo, pétrolier, cargo et un dragueur de mine. On a l'embarras du choix. Baisse la tête. Celui-là. La peur s'estompe. Il frôle la coque des navires, à l'affût du moindre mouvement de sentinelle. Périlleux exercice répété des centaines de fois lors des entraînements. Sur leur kayak, Hassler et Sparks évitent les halos de lumière, contournent les cibles secondaires, longent silencieusement les bâtiments prioritaires, repèrent au bourdonnement des moteurs la zone la plus fragile et enfin colle la fameuse limpette sur le flanc, délicatement, à 10 mètres en dessous de la ligne de flottaison, précisément. Pas un cri, pas un coup de feu, ni d'un côté du port, ni de l'autre. Encore une. La dernière. La sentinelle allemande tend l'oreille, se penche, balaie les eaux de sa torche. Sans se détacher sur la lune. Résonne dans la poitrine des deux hommes, qui diront plus tard ne jamais avoir eu aussi peur de leur vie. Soulagement, la sentinelle s'éloigne. Mission accomplie. Allongés dans leur kayak, Sparks et Hassler se laissent enfin emporter par le courant du fleuve. Cap sur Ruffec, mon commandant. Regarde, Sparks. Ever et Nils filent de l'autre côté de la rive. Ils ont réussi. Sept heures plus tard, au petit matin du 12 décembre 1942, Bordeaux et ses environs se réveillent sous les explosions. L'Alabama est touchée, le Tannenfels menace de sombrer, le Dresden coule, le Portland est en feu. Sept navires, dont un pétrolier plus un dragueur de mines, sont sabotés. Venus éteindre les feux, les pompiers du port, sympathisants de la résistance, ne manquent pas d'aggraver la situation. Les Allemands sont consternés et totalement désorganisés. Pour le Marine Mills et le caporal Laver, hélas, l'épopée Frankton s'achève près de Montlieu-la-Garde. Ils sont dénoncés, puis fusillés en uniforme de la Royal Marines. Leurs coéquipiers, Wallace, Ewart, McKinnon et Conway, qui ont été arrêtés les jours précédents, subissent le même sort. Aucun n'a parlé. Les seuls rescapés, le Marine Sparks et le commandant Hassler, réussissent à atteindre Bligh, puis Ruffec, où ils sont cachés durant plusieurs mois par la résistance locale. Impossible d'avertir Londres. Ils passeront par Lyon, Marseille, Perpignan, puis enfin l'Espagne. En avril 1943, les deux hommes regagnent l'Angleterre, ignorant encore le sort de leurs camarades. De l'avis de Winston Churchill, comme de tout l'état-major de l'époque, Frankton fut considéré comme une des missions les plus audacieuses et riches d'enseignements de la Seconde Guerre mondiale. Sparks, tu me demandes, fallait-il mener cette mission ? Suicidaire. Impossible. Assurément. Laver, Mills, Ewart, McKinnon, Conway, Sherd, Moffat ne sont pas morts pour rien. Nous avons redonné de l'espoir à des millions de gens. Nous avons semé une belle pagaille chez les Allemands. Il va leur falloir un bon bout de temps pour remettre leurs forces navales en ordre de bataille. Nous avons fait du bon travail. Opération Frankton, mission impossible de Manuel Calma avec Mountbatten, Olivier Balazuc, Hassler, Pierre Mignard, Edwards, David Houry, Mills, Pierre Carbonnier, Sparks, Yoli Fuller, Laver, Justin Blanquert et les voix de Lionel Mur, Phil Bouvard, Olivier Ruidavet et Tibor Radvani. Bruitage Patrick Martinache, prise de son montage et mixage Emmanuel Armin et Manuel Couturier, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Sophie Haute-Picon. Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec l'historien Sébastien Albertelli que j'ai rencontré chez lui. Love, what did you do to me? My only hope is to let life stretch out before me and break me on this lonely road. I'm made of many things, but I'm not what you are made of. Only now do I see big picture, but I swear these scars are fine. Only you could have heard me in this perfect way tonight. I might be blind, but you taught me the difference between mistakes and what you just meant for me. Don't say you ever loved me. Say you ever cared. My darkest friend. Words. Have you forgotten all the lies you left there so fresh, turning cold in the air? And now you have no weapon. those I love. Do you really think they don't know what you're made of? Only now do I see the big picture, but I swear these scars are fine. Only you could have had me in this perfect way. Between mistakes and what you just meant for me. So don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. My darkest friend. London Grammar, Big Picture sur France Inter. L'émission est réalisée par Hélène Bizio, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Nicolas Slimani. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Sébastien Albertelli, l'opération Frankton, on l'a entendu, est une réussite. Le commando a réussi à faire sauter plusieurs navires ennemis dans le port occupé de Bordeaux. Cette réussite était hautement improbable. Comme toutes les opérations spéciales, celle-ci a été menée avec évidemment l'idée qu'il était très difficile d'obtenir le même succès par d'autres moyens et que même avec ces moyens-là, il était extrêmement improbable d'arriver à un succès. Et effectivement, au final, plusieurs navires sont barre le fond et par conséquent, l'opération est un succès. Pourquoi est-ce que les Anglais n'ont pas réalisé un bombardement aérien ? Alors, en d'autres occasions, les Anglais ont réalisé des bombardements aériens. Les Américains qui vont arriver réaliseront des bombardements aériens. Sauf que dans ce cas précis, il est pratiquement certain que les bombardements n'auraient pas été assez précis. Un bombardement aérien, c'est très peu précis, surtout à cette époque. Les dégâts dans une ville sont considérables, ce que les Alliés sont tout à fait prêts à accepter s'ils peuvent effectivement atteindre leur cible. Quand il s'agit d'atteindre quelques navires protégés par une défense anti-aérienne, il est très peu probable d'obtenir le même résultat par un bombardement. L'opération Frankton a réussi à neutraliser des navires ennemis, donc, dans le port de Bordeaux, mais est-ce qu'elle a vraiment été utile ? Winston Churchill, le Premier ministre, aurait déclaré que cette opération Frankton a permis de raccourcir la guerre de 6 mois. Qu'en pensez-vous, Sébastien Albertelli ? Alors, ce type d'évaluation n'a évidemment pas grand sens. L'opération Frankton, évidemment, n'a pas permis de raccourcir la guerre de 6 mois. Ceci étant dit, du point de vue de Churchill, évidemment, cette opération, ce succès est important parce que ça lui donne la possibilité de communiquer, c'est en quelque sorte politique, ça lui donne la possibilité de communiquer sur un succès à un moment où les armées alliées connaissent plutôt des défaites. Donc, cette idée d'un succès d'une opération clandestine ou d'une opération spéciale, c'est toujours une notion un petit peu particulière. À partir du moment où des bateaux ont été coulés, c'est un succès. Maintenant, évaluer l'impact de ce petit succès, parce qu'à l'échelle de la guerre, c'est un petit succès, évaluer l'impact global d'un tel succès sur le déroulement de la guerre est à peu près impossible, sauf pour quelqu'un qui fait de la politique et qui profite de ce succès pour montrer que les Alliés sont repartis à l'assaut, que c'est à nouveau eux qui vont avoir l'initiative, que c'est eux qui sont dans la position du chasseur, disons. On voit bien dans la fiction, Lord Mountbatten demande au major Hassler de ne pas participer à cette opération parce qu'il sait très bien qu'il y a très très peu de chances qu'il revienne vivant. Il a besoin de lui pour mener d'autres opérations du même type. On voit bien que pour le commandement britannique, il s'agit d'une mission suicide, quoi, une forme de mission kamikaze. Qu'est-ce que ça signifie dans un pays comme la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui est malgré tout une démocratie? Quand on pense kamikaze, on pense tout de suite Japon, des pays où la valeur humaine a moins de prix. Alors, ça n'est pas une opération kamikaze. À aucun moment, il n'est envisagé que les hommes ne se suicident pour remplir leur mission. C'est une opération qui, effectivement, a des chances réduites de succès et dans laquelle les hommes ont des chances encore plus réduites de s'en sortir vivants à la fin. Ceci dit, dans la pire des perspectives qu'on envisage à cette époque, les hommes qui sont en uniforme seront capturés et survivront. En réalité, seront faits prisonniers et survivront. À Londres, on ignore évidemment en juin 1942, mais même en décembre 1942, que Hitler a donné l'ordre d'exécuter tous les membres de commando alliés capturés, y compris s'ils sont capturés en uniforme. C'est tout à fait impensable, et ça donnera d'ailleurs des accusations au procès de Nuremberg pour crimes de guerre. Donc, on les envoie avec une faible chance de survie. Il y a beaucoup d'autres cas d'officiers ou d'agents qui sont envoyés avec une aussi faible chance de survie. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que, évidemment, pour nous, dans nos démocraties, chaque vie a sa valeur et c'est évidemment une très très bonne chose. En juin 1942, des vies britanniques, il y en a qui disparaissent par centaines chaque jour. Et par conséquent, évidemment, la perspective qu'adoptent les décideurs est tout à fait différente. L'idée d'envoyer 10 hommes prendre d'énormes risques est une idée que les responsables militaires prennent quotidiennement. Les hommes du commando, eh bien, on peut citer leurs noms. Ils s'appelaient Herbert Hassler, Bill Sparks, Albert Laver, William Mills, George Sheard, David Moffat, John McKinnon, James Conway, Samuel Wallace et Robert Ewart. De ces 10 hommes, seuls 2 sont revenus, donc Hassler et Sparks. Est-ce qu'on peut dire que les 8 autres sont morts pour rien ? Certainement pas pour rien, non. Sauf à penser qu'un militaire à la guerre meurt pour rien, ce qui c'est une option envisageable. Mais ils sont pas morts pour rien puisqu'ils ont mené une opération, que cette opération a été un succès, que leur pays a pu communiquer sur ce succès pendant longtemps, et on peut même aller plus loin, c'est que ce succès alimente une mémoire qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, qui est quelque chose d'important par exemple dans l'identité des troupes spéciales jusqu'à aujourd'hui, donc ça a donné naissance à quelque chose. De ce point de vue-là, à mon sens, ça reste une mort utile en temps de guerre. Donc ce sont des héros. Voilà, c'est ce que dans une société comme la nôtre, on appelle des héros, même si en histoire, évidemment, la notion de héros est un petit peu plus complexe à définir. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette histoire et la découvrir sur le terrain, il existe ce qu'on appelle un chemin de mémoire. C'est un itinéraire qui permet de parcourir les 160 km qu'avaient parcouru eux-mêmes Hassler et Sparks dans leur repli après l'explosion, hein, des kilomètres souvent à pied, sous la pluie, dans le froid, avec la peur au ventre, la peur d'être rattrapé par l'occupant, puisque après l'explosion, évidemment, il y a eu une chasse à l'homme dans toute la région de Bordeaux, et puis la peur aussi, sans doute, d'être dénoncé. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez contacter l'association Frankton Souvenir, qui est située à Barbezieux, en Charente. Merci Sébastien Albertelli, votre livre passionnant, vraiment, L'histoire du sabotage, a été publié l'année dernière chez Perrin. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter, bien sûr, podcaster l'émission sur notre site franceinter.fr où j'attends également vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez réécouter par exemple Jack London sur Homme fragile, Denis Diderot entretien très secret avec un lieutenant de police ou encore l'émission spéciale avec Laurent Sexic et Jérôme Kircher sur le monde d'hier de Stefan Zweig. La semaine prochaine, nous partirons au 19e siècle, la révolution de 1848, vue à travers le regard d'une jeune Parisienne, Suzanne, qui dans les clubs de femmes et sur les barricades de juin, va découvrir l'amour et le goût, parfois grisant, parfois amer, de la révolte. Je recevrai l'historienne Michèle Rio-Sarcey. Mais dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Noël Bréham pour État d'esprit. Très bonne soirée à tous.